တရားအထုတ်တဲ့ပေါင်းများတဲ့ဥစ္စာတော့ထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေါင်းများရတယ်။ဈဉံလျှောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေါင်းများရတယ်။ပြီးတော့အဲဒီမှာဈဉံနဲ့ထိုင်ရှုမှတ်ပေါင်းများတဲ့ဤမှာတပါးတခြားအထွေထွေအသေးစိတ်ပိုင်းရှုမှတ်တဲ့အပိုင်းတော့၃ပိုင်းပေါ့။မနေ့ကတော့ရှုမှတ်ထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေါင်းများတဲ့ဤနဲ့တိုင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ပေါင်းများပုံပေါင်းများဤမနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်လို့ဒီနေ့တော့ဈဉံလျှောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်အထုတ်တဲ့နည်းကိုပြောပြမယ်တရားလျှောက်တဲ့နေရာမှာလည်းအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့ပြောပြပါမယ်နော ် Your yesterday mentioned that Sierra mentioned that there are ways to meditate when we sit. There's a way to practice meditation when we walk. And there's a way to practice meditation when we're not doing either the formal sitting or the formal walking. Hier, Sayado a parlé du fait qu'il y a une façon de pratiquer la méditation quand on est assis, une façon de pratiquer la méditation quand on marche, une façon de pratiquer la méditation quand on ne médite pas formellement en assise ou en marche. Donc, il y a ces trois façons de pratiquer la méditation. Et hier, Sayado a expliqué comment méditer en posture assise. Aujourd'hui, Sayado expliquera la méditation en marche et comment reporter ça à l'entretien. Quand les yogis pratiquent la méditation en marche, ils doivent garder les yeux fixés devant eux. C'est très important. On ne doit pas regarder autour de nous comme l'on fait d'habitude. On doit baisser notre regard et garder les yeux baissés. Après avoir baissé notre regard et maintenir les yeux vers le bas, alors on doit concentrer l'esprit sur le mouvement des jambes. Quand la jambe gauche fait un pas, l'esprit du yogi doit suivre ce pas gauche. Et quand le yogi fait un pas avec le pied droit, alors l'esprit du yogi doit suivre le pied droit. Quand on marche une certaine distance, par exemple pour retourner dans sa chambre, pour aller au réfectoire, quand vous devez parcourir une distance et vous marchez un peu plus vite, vous devez faire attention de façon plus générale au pas droit et au pas gauche. Notez donc seulement pas gauche, pas droit. Quand on va plus lentement, on devrait observer que chaque pas a deux parties. Lever et placer. Lever la jambe gauche et le placement. Lever la jambe droite et la placer. Donc, quand vous allez plus lentement, pensez bien à noter en deux parties. Lever et placer. La troisième section de la méditation en marche est quand chaque pas est divisé en trois parties. Entre le mouvement de lever et celui de placer, on va insérer un autre mouvement, qui est celui d'avancer. Lever, avancer, placer. Et celle-ci est la façon la plus lente de marcher. Au début, il n'est pas nécessaire d'utiliser tous les trois types de méditation en marche. Vous devez utiliser seulement les deux premières façons et passer votre temps en premier temps en notant pas gauche, pas droit, et puis en notant lever et placer quand on ralentit. Si le temps de marche est 60 minutes, alors vous divisez votre temps en deux segments de 30 minutes. Dans les premières 30 minutes, vous observez pas gauche, pas droit, en allant un petit peu plus vite. Puis la deuxième partie, en observant lever, placer, en allant un peu plus lentement. Les yogis ne doivent pas marcher sur un chemin trop long. La distance est assez quand on compte environ 25 pas. Il n'y a pas besoin qu'elle soit plus longue que ça. Quand vous pratiquez la marche, continuez simplement à marcher d'avant en arrière sur le même chemin. Ne variez pas votre chemin en allant dans une direction puis dans une autre. Allez simplement d'avant en arrière sur le même chemin. Et à la fin du chemin de marche, ne vous retournez pas immédiatement. Arrêtez-vous avec les pieds joints et placez votre attention sur cette posture du corps debout. Et pendant que vous observez votre posture, notez debout, debout, debout, trois fois. Puis, quand vous restez debout à la fin de votre schéma et vous avez noté la posture debout, il y aura le désir de se retourner. Peut-être que vous ne remarquez pas le désir de tourner, mais si vous prestez attention, ça deviendra évident. Cette intention détournée sera évidente. Ne vous retournez pas immédiatement. Vous devez remarquer l'intention détournée. Donc, vous la notez. Et si l'intention n'est pas encore évidente, vous la notez quand même. Intention détournée, intention détournée, intention détournée. Vous le notez 3 ou 4 fois et puis vous portez votre attention sur tout le corps pendant qu'il tourne en notant les mouvements que vous êtes en train de faire. Et notez tourner, tourner, tourner jusqu'à regarder dans la direction opposée. Ensuite, quand vous êtes dans la direction où vous comptez marcher, la direction dans laquelle vous venez, vous êtes sur le point de marcher, mais vous devez noter d'abord la posture debout. Debout, debout, debout, après que vous vous êtes retourné. Vous notez la posture debout 3 ou 4 fois. Et après l'avoir notée, il va y avoir l'intention de faire un pas en avant. Après avoir observé la posture debout, vous recommencez à marcher à nouveau et il va y avoir l'intention de marcher. Si vous la remarquez, vous la notez, mais si vous ne la remarquez pas, vous la notez quand même. Intention de marcher, je vais marcher. Ça deviendra évident par la suite. Ensuite, vous commencez à marcher en plaçant votre attention sur les jambes et vous notez pas gauche, pas droit, pas gauche, pas droit. Ou ensuite, lever, placer, lever, placer. Quand on observe pas gauche, pas droit, il est nécessaire de garder l'esprit concentré sur les mouvements de la jambe, du tout début du lever à la toute fin du placement du pied. Vous devez garder votre esprit sur l'entièreté du pas. En levant et plaçant les pieds, votre esprit doit être sur le processus du début du lever jusqu'à la fin du placé. Quand vous observez le mouvement du lever, faites un pas normalement. Levez simplement les pieds comme vous le feriez dans un pas normal. Vous n'avez pas besoin d'exagérer le mouvement du lever. Faites simplement des pas normalement quand vous levez et placez le pied. Parfois, vous avez envie de lever le pied un peu plus haut de la normale, car ça vous fait du bien et ça rend plus facile de noter. Alors, vous pouvez le faire, mais juste un petit peu. Mais, du coup, lever le pied de façon plus ou moins normale. N'est pas nécessaire de faire des pas, ni trop longs, ni trop petits. Il doit y avoir une distance de plus ou moins un de vos pieds. Quand vous en placez un puis un autre, il doit y avoir un écart de plus ou moins la longueur d'un de vos pieds entre eux. Quand vous gardez votre regard vers le bas, gardez-le à une hauteur où vous pouvez voir ce qu'il y a en face de vous, à une distance de plus ou moins 2 mètres. Ne regardez pas le sol, car si vous regardez n'importe quelle chose, votre esprit ne pourra pas se concentrer sur les jambes. Quand vous pratiquez la méditation en marche, vous vous concentrez particulièrement sur les jambes. Vous ne portez pas beaucoup d'attention à écouter ou à voir. Bien sûr, autour de vous, vous allez y avoir, par exemple, des bruits des voitures ou des cris d'oiseaux. Mais ne portez pas beaucoup d'attention à eux. Laissez-les sur le fond. Vous devez vous focaliser, vous concentrer en grande partie sur vos jambes. Les yogis qui démarrent pendant cette retraite devraient seulement passer 30 minutes en observant pas gauche, pas droit et 30 minutes en observant lever, placer pendant la période des marches. Si vous vous concentrez soigneusement sur ces deux types de marches, votre concentration se développera bien. Quand votre concentration sera développée, vous observerez les trois parties. mais il n'est pas nécessaire de faire ça maintenant. Pour le moment, vous devez simplement développer votre concentration sur ces deux types de marches. Quand vous pratiquez la méditation en marche, vous devez faire attention à ce que vous notez. Est-ce la forme de la jambe ou la façon d'élever et placer? En plus de ces deux façons de connaître, du coup connaître la forme et connaître la façon de lever et placer, il y a des choses en plus qui peuvent être remarquées. Par exemple, quand vous levez le pied, êtes-vous conscient de la lourdeur? Êtes-vous conscient de la légèreté, par exemple? Ce sont des choses que vous allez connaître. Donc, vous devez prester attention à qu'est-ce que vous notez au moment où vous levez et placez les pieds. Et quand vous discutez de ça en entretien avec Sayado, vous devez dire à Sayado qu'est-ce que sont ces choses que vous remarquez par rapport à l'objet que vous êtes en train d'observer. On se concentre sur les mouvements des jambes et nous ne faisons pas attention aux autres objets qui sont en train de se produire sur le fond dans l'environnement. Mais quand quelque chose est très évidente, par exemple, s'il y a la pensée, est-ce que la pensée est très évidente? Puis, si vous devez la noter, vous la notez dans la posture debout. Pendant que vous êtes debout, du coup, vous notez la pensée. Ceux-ci sont les objets de la méditation en marche. En plus de ça, il y a les activités quotidiennes qu'on fait hors de l'assise et hors de la marche. Nos actions, telles que se mettre debout dès la posture assise, ou s'asseoir dès la posture debout, ou chercher à atteindre des objets, les ramener, ouvrir une porte, fermer une porte, mettre une chaussure, lever une chaussure. Ceci sont tous des mouvements du corps qui doivent être observés. Vous devez en plus remarquer les détails pendant que vous mangez. Par exemple, voir la nourriture. Vous notez voir, voir, voir. Quand on prend les couverts, la cuillère, la fourchette ou les couteaux, on note prendre, prendre, prendre, ou ramasser la nourriture et la ramener à la bouche, ramasser, ramasser, ramasser, ouvrir la bouche et introduire la nourriture, fermer la bouche, placer à nouveau la cuillère sur l'assiette, lever la tête. Et seulement après que toutes ces opérations sont accomplies, on commence à mâcher. Et on note mâcher, mâcher, mâcher. On doit faire attention à ces détails. Seulement quand on est capable de noter toutes ces activités quotidiennes, on sera capable de soutenir l'assise et la marche. L'observation de nos activités quotidiennes est un soutien pour notre concentration assise et notre concentration en marche. Si on n'arrive pas à porter notre attention sur les activités quotidiennes, si on n'a la concentration qu'en assise et en marche, ceci ne sera pas assez, ne sera pas suffisante. Il est impératif d'observer aussi les activités quotidiennes avec notre attention. Les activités quotidiennes sont un soutien pour l'assise et la marche. Mais la plupart des gens pensent que seulement la méditation assise et la méditation en marche sont importantes. La plupart des gens ne pensent pas que les activités quotidiennes sont assez importantes pour leur réserver notre attention. Mais en réalité, en dehors du temps où on dort, on devrait méditer à chaque moment. Et aussi, quand vous allez vous coucher, vous vous asseyez sur le bord du lit, vous devez noter s'asseoir. Et puis, en vous allongeant en position couchée, quand votre tête touche l'oreiller, vous devez noter toucher, toucher, toucher. Si vous ajustez vos pieds et vos bras, vous devez noter ces ajustements. Bouger, bouger, bouger. Quand votre corps est immobile dans le lit, alors vous notez le soulèvement et abaissement de l'abdomen jusqu'à l'arrivée du sommeil. Vous devez continuer jusqu'à quand vous vous endormez. Par exemple, pendant que vous notez, fermez les yeux, pendant que vous continuez à noter, fermez, fermez, vous remarquez que l'esprit qui note devient de plus en plus faible. Donc, graduellement, vous arrêtez de noter et vous vous endormez. Vous devez être attentif aussi au moment du réveil. On note savoir, savoir, savoir. Vous devez porter votre attention aux choses qui se passent au moment du réveil. L'ouverture des yeux, bouger les jambes ou les bras, se lever, se laver le visage, se nettoyer, s'habiller. Toutes ces choses, vous devez les noter dès que vous les remarquez. Ceci sont les activités quotidiennes. Et plus vous les notez, plus vous aurez des bienfaits. Elles soutiendront votre méditation en marche et votre méditation assise. Si vous notez de plus en plus, vous développez de plus en plus votre attention et votre concentration devient de plus en plus solide. Tout aussi que la méditation assise est importante et que la méditation en marche est importante, la méditation assise soutient la marche et la marche soutient l'assise, les activités quotidiennes sont plus importantes car elles soutiennent les deux. Chaque jour, vous devez essayer d'accomplir votre pratique dans chaque type de méditation. Vous devez essayer de pratiquer complètement la méditation assise. Vous devez essayer de pratiquer complètement la méditation en marche et vous devez essayer de porter votre complète attention aux activités quotidiennes. Sayado espère que vous serez capable chaque jour de porter votre attention à chacune de ces trois types de méditation. Déporter votre complète attention afin que votre concentration et la connaissance basée sur la concentration se développent afin de vous rendre capable de réaliser le Dhamma, la paix de Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. အဲ့ဒီမှာရေးကြည့်တယ်လို့ပဲစဉ္ညာသမားတွေရေးကြည့်ပါတယ်လို့စဉ္ညာလျှောက်ပွားများတဲ့နေရာလည်းရေးကြည့်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီတိုင်းမှာဟုတ်လားပွားများစဉ္ညာလျှောက်မှုကိုပွားများတဲ့အခါမှာအထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့အတွက်သူတွေအသေးစိတ်ကလည်းပဲပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာမှတ်တဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ပဲတနေ့တာအဖို့ ဒီသုံးပိုင်းကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားမှတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စီနော်ဒီသုံးပိုင်းကိုကြိုးစားစားပြည့်ပြည့်စုံစုံအားထုတ်နိုင်ရေးမိမိတို့လိုလားတော့နော်တမာရီတည်းလို့ဖြင့်ဆင်းရဲညစ်ရာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ sadu sadu sadu